on écoute, écoutons plutôt Marie-Lou et Suzanne en parler. Et cette chronique s'appelle « Ceci est une île ». Bonjour à toutes et à tous. Je vais interviewer Suzanne Boulet qui a fait une installation au Festival Archipel qui m'a beaucoup intriguée. Alors bonjour. Bonjour Marie-Lou. J'ai quelques petites questions à te poser. Quand je suis entrée dans l'installation, je me suis dit mais comment t'as eu l'idée de faire ça ? Alors, j'ai eu l'idée de faire cette installation, c'était plusieurs événements un peu qui se sont rencontrés. Mais au tout départ, c'était il y a plusieurs années en arrière, j'allais faire des courses dans un petit magasin de bricolage, mais même un peu d'art créatif, quoi. Et puis, il y avait un rayon où il y avait plein de grelots de différentes tailles qui étaient rangés dans des grands sacs. Puis, à un moment donné, je regarde juste un grelot et quand je le remets dans le sac, bah là, il y a tout le sac qui se met à vibrer, tu vois, à faire genre comme ça. Qu'en fait, juste le choc du grelot dans le sac, ça avait fait un peu vibrer tous les grelots à l'intérieur, comme s'ils étaient en contact les uns avec les autres. Et puis, ça faisait pas du tout le son habituel qu'on a en tête à propos des grelots. Ça faisait vraiment un peu comme... Moi, ça me faisait penser à des abeilles, tu vois. Et donc, je me disais, ah, c'est trop intéressant comme bruit et il faudrait faire quelque chose avec. Mais à ce moment-là, moi, je travaillais pas trop le son dans mon travail. Et puis, voilà, le temps a passé. Puis, j'en ai un peu jamais fait grand-chose. Et puis après, quelques temps plus tard, il y a Marie, qui est donc la directrice d'Archipel, qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, mais ça t'intéresserait pas de faire une proposition sonore pour Archipel ?» Et sur le moment, je lui dis « Ah, mais tu sais, j'ai pas forcément d'idées, je travaille pas forcément le son, etc. » Et puis voilà, le temps a de nouveau passé, une année, et après on en a reparlé, et je me suis souvenue de cette histoire de grelot, enfin de cette petite expérience que j'avais eue et tout avec le sac, et je lui dis « Ah, en fait, il y a un truc, ça fait vraiment très longtemps que j'aimerais bien faire quelque chose, mais j'avais jamais eu l'occasion ou je savais pas quoi. » Et puis je lui ai dit « Si tu veux, je peux proposer quelque chose là-dessus. » Et puis voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans cette aventure. Mais aussi, j'ai vu il y avait un peu des formes avec les grelots. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Alors les formes, elles vont pas forcément signifier quelque chose de particulier, tu vois. Après, j'ai essayé de faire un peu des passages pour encourager les gens à circuler autour des grelots. Je voulais pas que ça reste trop statique, ou je voulais les amener aussi peut-être à aller sur les bords. Parce que tu vois, selon où tu marches, ça sonne plus ou moins fort. Et puis du coup, je voulais pas juste qu'on reste au milieu ou sur un côté et puis c'est tout, je voulais que ça circule un peu. Donc c'est pour ça un peu que je suis arrivée sur ces formes-là. Et après, sinon, la répartition des grelots, bah, j'ai essayé de faire des endroits qui sont plus denses et d'autres qui sont plus éparses. Parce que c'était aussi juste, tu vois, esthétique ou quoi. C'était intéressant quoi, de créer cette variation de densité plutôt que si tout d'un coup, je les avais mis tous de manière super régulière. C'est vrai que quand je marchais dessus, je voyais qu'il y avait des endroits qui étaient plus sonores que d'autres. Mmh. Et ça vous a pris combien de temps de construire tout ça ? Alors bah, le projet il s'est fait plutôt à travers un peu des résidences de travail, tu vois, de peut-être 2-3 jours à chaque fois. Donc ça s'étale sur plusieurs mois, mais après ça veut pas dire que je travaillais dessus tout le temps pendant tous ces mois-là. Mais il y a des moments qui étaient assez intenses de travail, comme ça. On a fait une première... entre guillemets maquette qui était de 2 mètres par 2. On a tendu un tissu, on a mis les grelots, on a vu ce qui se passait. Et après on a fait une deuxième maquette qui était un peu avant Archipel, qui elle était encore plus grande que ce qu'on a dans la salle là, qui faisait 7 mètres par 6. Et puis comme ça on se disait bah, en fait on avait besoin de tester en taille réelle, parce que tu vois tous les matériaux, ça varie vachement ce que tu arrives à faire en petite taille et ce que tu fais en plus grand. C'est parfois assez difficile à prévoir. Donc on s'est dit ok, si ça marche en 6 mètres par 7, ça marchera dans la salle qui est un tout petit peu plus petit là, tu vois, c'est peut-être 5 par 6, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc c'était un peu des sessions de travail qui s'étalaient sur des mois. Ok, et quand tu dis « on », t'as travaillé avec quelqu'un d'autre ? Ouais, Alors pour ce projet, j'ai demandé à Rudy Dessolières de m'aider un peu à monter le projet, parce que autant tout ce qui va concerner le textile, les grelots, etc., c'est un peu mon domaine d'expertise, on va dire. Mais par contre, l'histoire du cadre, de déterminer est-ce que le cadre faut qu'il soit en bois, est-ce qu'il faut qu'il soit en métal, en fait on se rend pas compte, mais il y a une très grande tension dans le tissu. Et donc c'est un peu un challenge de trouver quel cadre va permettre de supporter cette tension-là, quel système d'accroche. Et voilà, et donc pour tout ça, je lui ai demandé s'il était d'accord de m'aider, même pour souder, tu vois, couper le métal, etc., pour concevoir un peu la partie technique de l'installation. Ok, et tu m'as dit tout à l'heure que c'était un peu la première fois que tu faisais quelque chose de sonore. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu tes autres installations ou... Ouais, alors d'habitude, effectivement, l'année qui s'est écoulée, je fais plutôt des installations qui vont être plutôt visuelles et puis qui vont être parfois un petit peu tactiles. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup le tactile, mais parfois, ça peut être juste une installation qui est visuelle, mais qui va évoquer, tu vois, des matières, des textures, enfin, une expérience qui est finalement assez tactile. Et au tout début, quand je terminais mes études d'art, je faisais des objets qui, là, étaient vraiment qu'on pouvait manipuler. Tu vois, ma première exposition, on pouvait manipuler les objets, etc. Et avec le temps, cette pratique des objets, je l'utilise plutôt maintenant dans des formats qui sont des workshops ou des choses comme ça, où je suis plus en contact avec les gens et je vais un peu les accompagner sur la manière d'interagir avec ces objets-là. C'est vrai que c'est super cool parce que dans toutes les expositions, on peut tout toucher. Et là, par exemple, marcher sur faire des grelots ou toucher des objets, ça peut être trop bien parce que des fois, juste regarder, c'est moins intéressant que de pouvoir toucher tout ça. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi par exemple, où les gens ils peuvent interagir. Vu qu'il y a du passage, il y a plein de gens, plein de types d'âge, etc., ça peut être aussi assez violent, tu vois, en termes de qu'est-ce que ça crée sur l'installation. Et c'est vrai que moi, je peux pas forcément aussi... J'anticipe pas toutes les réactions que les gens ils vont avoir. Et parfois, quand je viens ou que, tu vois, pour faire un petit peu la maintenance de l'install, parfois, je le vis un peu comme quelque chose d'assez brutal, tu vois, la façon dont les gens y réagissent. Et en même temps, je pense que ça m'intéresse, ce truc d'éducation à comment tu touches ou comment tu interagis. Enfin, d'avoir quand même des espaces où ça peut être juste fragile et en fait, tu touches, mais il faut que ce soit délicat. Tu vois, plutôt que... Sinon, je me dis, il faut juste proposer des choses qui sont blindées, hyper sûres, hyper incassables, etc. Puis ça, je trouve ça dommage. Donc j'ai ce truc où j'aime bien que ce soit cassable et j'aime bien l'interaction. Donc c'est un petit peu paradoxal. Ok, trop bien. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt, Marie-Lou. Merci Marie-Lou. Merci Marie-Lou. Pour cette première chronique. Non, mais remercions ensemble. 1, 2, 3. Merci Marie-Lou. C'était sa première chronique et bravo. C'était vraiment, vraiment super, méga classe. Donc ça, c'était sa toute première chronique. Montée, tout enregistré, montée, tout bien. Mais après cette première chronique, elle a également interviewé Clara Lévy. Et là, par contre, c'est juste l'enregistrement très brut. Il n'y a pas de montage ni rien, mais on avait quand même envie de le passer. Donc voilà, Marie-Lou interview Clara Lévy. Et c'est l'occasion d'entendre parler Clara Lévy qui va jouer cet après-midi, qui va clore le festival avec un concert avec Stéphane Clore dans le projet qui s'appelle L'Oriole. Yes. On l'écoute. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, je vais interviewer deux musiciens qui jouent en groupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Clara Lévy, je suis violoniste. Et bonjour, je m'appelle Stéphane Clore et je suis violoncelliste. Ok, ça fait combien de temps que vous jouez de vos instruments ? Très longtemps, je compte plus, plus de 20 ans. Alors moi ça fait un peu moins longtemps parce que j'ai commencé par un autre instrument qui est la contrebasse. Et donc, du coup, je dirais que ça fait une douzaine d'années. Ah oui, ça fait longtemps quand même. Hein. Et est-ce que vous avez d'autres groupes ou est-ce que vous jouez seul des fois ? Alors, je joue en solo et j'ai aussi un autre projet avec un percussionniste qui s'appelle Alexis Degrenier. Voilà, moi pareil, j'ai des groupes et un solo. Et là, bah, on est avec Clara pour jouer en duo, donc pendant le festival. Trop bien. Mais moi, j'ai appris que vous deviez, enfin que Clara devait jouer avec quelqu'un d'autre hier. Alors c'était donc en fait j'étais justement censée jouer avec Alexis Degrenier, on a un duo qui s'appelle Dispar et pour des raisons de santé on a dû annuler la date et Stéphane a très gentiment accepté de changer son emploi du temps pour venir jusqu'ici, ce qui est super parce qu'on était en tournée avec Stéphane avant. Voilà. Il y a une semaine, il y a deux semaines. Une semaine, deux semaines. Génial. Et c'est quoi le projet, enfin votre projet, il s'appelle comment? Alors c'est un duo qui s'appelle L'Oriole. C'est un clin d'œil à un compositeur français du XXe siècle qui s'appelle Olivier Messiaen, qui est un des premiers compositeurs à avoir introduit des instruments électroniques, notamment un instrument qui s'appelle l'onde Martenot. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est qu'une onde Martenot? L'onde Martenot, c'est un instrument électrique qui est apparu au début du XXe siècle et qui se joue avec un clavier, mais qui utilise des ondes sonores. La spécificité de l'onde Martenot, c'est que ces ondes, elles résonnent avec des résonateurs et c'est alors par exemple il y a un module avec des cordes d'instruments et aussi un module avec une espèce de gong ou de cymbale et c'est là où on arrive à la référence par rapport à notre projet, c'est que nous on joue avec à la fois le son de nos instruments en acoustique mais ils sont légèrement repris dans des résonateurs qu'on pose sur différents objets, notamment des cymbales, des pots de percussion, des pots de chicorée aussi. Donc c'est une réinterprétation des diffuseurs d'ondes Martenot, mais à l'échelle d'un petit orchestre d'objets. Ok, je ne connaissais pas cet instrument. Est-ce que vous trouvez plus simple de jouer seul ou en groupe? Joker. C'est très différent. C'est très différent et puis ça dépend. Je pense que le groupe, il y a quelque chose d'humain qui va au-delà... du musical, je pense qu'on peut pas jouer avec des personnes avec qui on s'entend pas, et en même temps parfois il y a des gens avec qui on s'entend très bien sur le plan amical et sur le plan musical ça marche pas. Je dirais qu'un peu comme Clara qui a des grandes différences en solo, la facilité c'est qu'on a que à dealer avec soi-même. Et la difficulté, c'est qu'on n'a que à dealer avec soi-même. Mais avec les autres, des fois, c'est des aventures. Donc les aventures ont des rebondissements. Et donc il y a aussi des difficultés avec ça. Mais on aime bien aussi ces choses un peu plus collectives. Je crois que les deux se nourrissent, en fait. Je ne vais pas dire que c'est la vérité pour tous les musiciens et musiciennes, mais... On apprend des autres et je pense que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les pratiques en solo qui se nourrissent des collaborations qu'on peut avoir. Et quand vous allez seul sur scène comme ça, vous avez pas un peu le trac? Ah si, tout à fait. Mais tout le monde a le trac. Toujours un petit peu. Mais on apprend avec le métier, on apprend à le gérer de plus en plus et il disparaît jamais totalement. Mais on le gère mieux avec des années d'expérience. Ok, génial. Et on m'a dit que vous êtes inspiré, en tout cas vous, Clara, de Dream House. Ah, Dream House, oui. Alors, moi j'ai un travail qui est inspiré de Pauline Oliveros et Hildegard von Bingen, que j'ai joué l'année dernière à Archipel, en fait. Après c'est pas mes seules inspirations musicales. D'en donner d'autres comme ça c'est toujours un peu difficile, mais il y a un compositeur américain qui est très important pour moi qui s'appelle James Tenney, qui travaille avec la notion de psychoacoustique, donc c'est des espèces d'hallucinations sonores. Ça, c'est important pour moi. Et puis, oh, après, je pourrais trouver plein d'autres noms, mais ils me reviendront dans 30 minutes. Ok, pas de problème. Alors, merci beaucoup. Hein. Et à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lou. C'était donc Marie-Lou qui interviewait Clara Lévy et Stéphane Clore, qui vont jouer tout à l'heure, ce soir, en clôture du festival. 19h30 dans la grande salle. Mm-hmm. Ouh. Merci, Camille. Et on entend la méditation intranquille se préparer. C'est ça, qui est déjà intranquille, mais enfin. Calmez-vous, voyons.